tandis que les prisonniers sont conduits en un lieu sacré, Lady Helena sort un revolver que Glenarvan s'empresse de dissimuler dans ses vêtements. D'autres indigènes arrivent, après qu'ils ont perdu, dans un combat contre les Anglais, un de leurs grands prêtres. Kara Tété, leur chef, rival de Kai Koumoun, voulant s'emparer de Lady Helena, Glenarvan le tue. Mais Kai Koumoun, déclarant tabou le meurtrier, les indigènes sont arrêtés.